بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans l'explication de ce précédent chapitre qu'on a dont on a commencé l'étude et l'explication, d'après les commentaires et l'explication du grand et éminent savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et donc dans la dernière allocution, on a un peu détaillé, on s'est un peu étendu dans l'explication de ce qu'on appelle les clés de l'inconnu, mafatihul ghaib, les clés de l'inconnu. Et on a dit que ces clés dont on a explicité le sens dans la dernière allocution sont aussi bien mentionnées dans le Coran et aussi bien mentionnées dans la tradition authentique de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a insisté sur cela du fait qu'il est très important et très important pour le musulman et la musulmane d'avoir ces notions pour bien comprendre la religion. Et ça fait partie du droit de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, du fait que son serviteur sache que son Seigneur est celui qui détient, il est le détenteur de ces clés, des clés de l'inconnu. Et de ce fait, le musulman, avec cette croyance-là et avec ce savoir-là, cette connaissance-là, il sait que personne ne peut s'associer avec son Seigneur dans cela et personne ne peut prétendre détenir l'une de ces clés ou bien détenir ces clés-là. C'est pour ça qu'on a détaillé ce passage-là lorsque l'auteur fait allusion aux clés de l'inconnu et que le savoir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le savoir de ces cinq choses précitées. Et donc on avait expliqué dans la dernière allocution le verset, on avait réitéré l'évocation de ces cinq clés qui sont un mystère pour les êtres, pour nous. C'est quelque chose de mystérieux, ça fait partie de la science de l'invisible. Et c'est pour cela que Allah Jalla wa Ala, au début du Coran, vous avez vu dans la sourate Lavache, la sourate Lavache commence lorsque notre Seigneur dit Alif Lam Mim, Dhalik al-Kitab ou la Raiba fi. Alif Lam Mim, donc Allah subhanahu wa ta'ala commence après la Basmala à mentionner trois lettres, le Alif, Lam et le Mim. Ensuite, Allah Jalla wa Ala commence la sourate. Donc cette sourate débute avec ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. Une traduction relative du sens du verset. Donc le premier verset ensuite, le verset de la sourate Lavache, qui est dit après les lettres mentionnées, Alif, le Lam et le Mim. Ensuite le verset qui vient juste après, c'est lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Une guidée pour les pieux. الْمُتَّقِينَ, c'est ceux qui ont la taqwa, c'est ceux qui ont la piété. Le terme, en réalité, est plus vaste dans la langue arabe. Moi, je le traduis de manière très brève, hein. Et relative, donc ceux qui ont la piété. Donc Allah Jalla wa Ala nous dit que ce livre-là est une guidée pour ceux qui ont la piété. Et justement, dans un autre verset dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, en ce qui concerne al-muttaqoon, il nous dit qu'Allah, innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de ces pieux-là. C'est-à-dire que les actions, Allah Jalla wa Ala, il les accepte de al-muttaqoon, de ceux qui font preuve de piété. Et Allah Jalla wa Ala, donc nous dit que ce livre-là, eh ben, est une guidée pour ceux qui sont pieux et qui font preuve de piété. Et Allah Jalla wa Ala, ensuite, va nous décrire ces pieux. Il va nous les décrire en disant, et regardez, c'est les caractéristiques de ces pieux-là. Comment Allah Jalla wa Ala, il nous les décrit? Donc regardez, Allah Jalla wa Ala, il les décrit, ces pieux, en disant ceux qui croient en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc vous avez vu, Allah Jalla wa Ala fait mention de ces pieux en disant que parmi leurs caractéristiques et leurs qualités, du fait qu'ils croient en l'invisible. Donc les croyants croient en l'invisible, en ce qu'ils n'ont pas vu. Et c'est ça tout le mérite des croyants et des croyantes, de ceux qui se sont soumis à leur Seigneur, le fait de croire en cet invisible. Et Allah ensuite nous dit, et ils accomplissent la prière, et de ce qu'on leur a octroyé, ils dépensent. Une traduction littérale. Et donc aussi Allah Jalla donc dit qu'ils accomplissent la prière et ils dépensent de ce qu'on leur a octroyé comme bienfait ou comme subsistance. C'est-à-dire que ce qu'Allah Jalla leur a donné comme bien, il le dépense dans le bien. Donc vous avez vu comment qu'Allah Jalla wa Ala ici décrit al-muttaqoon, al-muttaqin ici qui sont mentionnés dans le verset. Donc leurs caractéristiques, parmi elles, le fait qu'ils croient en l'invisible. Donc al-ghaib, vous avez vu ce terme-là, est mentionné donc dans ce verset-là, dans le troisième verset de sourate al-Baqarah, dans la sourate la vache. Et vous savez, cette sourate, c'est une sourate qui a été, il est dit qu'elle a été révélée à Médine. Donc cette sourate a été révélée à Médine et c'est une sourate qui contient vraiment des éléments de grande importance, que ce soit sur le plan aussi bien doctrinal que juridique. C'est pour ça que c'est une sourate qui est immense. Donc c'est la plus grande sourate qu'il y a dans le Coran. Pour cela, cette description des croyants dans le début de la sourate la vache, elle était importante par rapport au sujet qu'on est en train d'expliquer, de traiter. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, le grand savant dans son explication, dans ce commentaire, il continue. Donc on va continuer, Inch'Allah. Donc après avoir bien expliqué les cinq clés de l'inconnu, ensuite Cheikh Ibn Uthaymeen va revenir au verset. Au verset, lorsque Allah Jalla wa Ala dit « «Wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmi». » Et tout ce que porte donc la femme dans ce ventre, et tout ce qu'elle enfante, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Donc Allah nous informe dans ce verset que ce que porte la femme dans la matrice ou dans l'utérus, tout ce qu'il y a dans l'utérus ou bien ce qu'elle enfante, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance, puisqu'il est lui le créateur de toutes choses. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication d'une manière plus linguistique, il va expliquer ici dans la langue arabe, dans le verset, lorsqu'il y a la mention de la lettre ma, pour ceux qui ont des connaissances dans la langue arabe, le ma, wa ma tahmilu min untha, wa la tada'u illa bi'ilmi, le ma au début du verset. Alors il dit, soit ça sera un ma, huna nafiya, soit le ma, ça sera un ma qui sous-entend et dénote la négation, c'est ce qu'on appelle la lettre ma en arabe de la négation, ou bien ça serait la lettre ma qui sous-entend et dénote ici le conditionnel. Alors il dit, la réponse ici, c'est que ce ma dénote et sous-entend la négation. Donc c'est le ma de la négation. Lorsque je dis le ma, c'est-à-dire la lettre ma ici, c'est-à-dire la lettre mime. La lettre mime. Wama tahmilu min untha, wa la tada'u illa bi'ilmi. Le ma dans le verset, donc cette lettre mime, c'est le ma de la négation. Et non celui qui dénote le conditionnel. Pourquoi? Parce que le verbe qui va venir, tahmilu, le verbe à la fin du verbe, sa terminaison se fait avec la voyelle qu'on appelle ad-dhamma. Donc le verbe, il est marfou. Il est marfou. Donc le verbe qui va suivre la particule ici, donc on va dire de négation, puisqu'elle est considérée comme particule de négation, parce que le verbe ensuite, alors, il aura la voyelle qui est ad-dhamma. Et il dit, si ça aurait été le conditionnel qui était sous-entendu, alors le verbe serait majzoum, c'est-à-dire avec as-sukun, avec la voyelle qu'on appelle as-sukun. Donc c'est pour cela qu'on comprend que dans le verset, le ma ici, eh ben, dénote la négation. C'est le ma de la négation. C'est pour ça que ça, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِي. Donc dans ce verset qu'on a traduit précédemment, donc cette analyse ici, juste pour qu'on puisse bien comprendre le verset, donc ce qu'il faut retenir ici du verset, ce que va nous résumer le shir ici dans l'explication et le commentaire, regardez ce qu'il faut comprendre en résumé de ce verset. Lorsqu'Allah Jalla dit qu'il a la connaissance de ce que porte la mère et de ce qu'elle enfante, de ce que porte la mère et de ce qu'elle enfante, c'est-à-dire il a la connaissance du début du travail. Dès que la mère commence à porter dans son utérus, lorsque commence ici la formation, dès le départ de la formation et du développement de l'embryon, dès le départ, ce qu'on appelle ibtida al-amal, Allah a la connaissance jusqu'à la finalité qui est l'enfantement, qui est ensuite eh ben, le fait que ensuite la femme va accoucher, ce qu'on appelle hulul al-wada'. Hulul el-wada. Donc Allah Jalla wa Ala a la connaissance du début et de la fin. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va nous rapporter aussi un autre enseignement, une autre précision. Il dit: Wa hadhihi al-ayatu mimma yuqra'u bihi lil-mar'ati idha ta'assarat wiladatuha wa hiya mufidatun jiddan. Et Cheikh va nous apporter un enseignement du fait qu'il dit que, et ce verset qu'on vient de lire, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Ce verset-là, il dit, lorsque la femme, par exemple, a des problèmes de grossesse, ou plutôt, elle a des difficultés pour accoucher, lorsqu'il y a des problèmes d'accouchement, et تَعَسَّرَتْ وِلَادَتُهَا, et il y a une complication pour l'accouchement. Le terme, par exemple, tarde, elle a du mal pour l'accouchement, elle a des complications pour l'accouchement. Alors il dit pour faciliter donc l'accouchement, eh ben on peut lire ces versets. Par exemple, ce verset-là, on peut réciter ce verset à la femme qui a des complications pour l'accouchement. On lui récite ces versets et bidhnillah, avec la permission d'Allah, c'est une cause pour lui faciliter l'accouchement. Donc il dit, par exemple, إذا قرأ الإنسان بما وقرأ هذه الآية, si par exemple une personne, il prend de l'eau et il récite sur l'eau ses versets. Comme par exemple ce verset précité. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Par exemple ce verset. Ou bien par exemple, il dit le verset de إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Par exemple aussi ce verset. Donc ce que je viens de réciter, c'est les premiers versets de la sourate Al-Zalzala. Al-Zalzala, qu'on pourrait traduire par la sourate du séisme ou bien du tremblement, du grand tremblement. Et dans ces versets, les premiers versets, Allah Jalla wa Ala dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera, lorsque la terre tremblera d'un immense tremblement, une traduction relative du verset, et qu'elle sortira ou se videra de tout ce qu'elle supporte. De tout ce qu'elle supporte en traduction relative. Donc, c'est le premier et le deuxième verset de la sourate Zalzala, la sourate du tremblement ou bien du séisme. On peut dire aussi le verset, par exemple, où lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, wa ma taghidu al-arham, wa ma tazdad, wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. On peut réciter aussi ce verset. Donc, on a dit, par exemple, la personne prend de l'eau et il récite ces versets-là, fa innaha bi idhnillahi tanfa'. Et avec l'aide d'Allah et la permission d'Allah, inshallah, cela est profitable et ça profite à la femme pour lui faciliter son accouchement. Donc bien sûr, comment qu'on fait, il dit, donc on récite ces versets dans de l'eau. Ensuite, la femme qui doit accoucher, on lui donne à boire. Il dit, وَيُمْسَحْ بِهَا بَطْنُهَا وَتَضَعُ بِسُهُولَةٍ. Il dit donc, elle peut boire de cette eau et aussi, elle peut se frotter le ventre à l'aide de cette eau. Elle se frotte le ventre à l'aide de cette eau. Et Shir nous dit ici, wa bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, cela peut être une cause pour faciliter son accouchement. Et c'est pour cela que vous pouvez retrouver, pour plus de détails sur cette question, donc ça c'est des moyens légiférés pour faciliter parfois les complications, par exemple pour un accouchement. Vous pouvez retrouver justement une fatwa de Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans d'autres fatwas. Il a été interrogé justement sur ça. Et donc il a une fatwa où il fut interrogé. هل هناك آيات واردة تقرأ. Donc il dit, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a des versets dans le Coran qu'on peut réciter لتسهيل الولادة بالنسبة للمرأة pour faciliter l'accouchement de la femme. فأجاب رحمه الله الشيخ avait répondu لا أعلم في ذلك شيئا من السنة لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل. Il dit je ne connais pas dans la tradition du prophète sallam ce qui indique cela. Par contre néanmoins لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل. Néanmoins, si maintenant quelqu'un lit sur la femme qui doit accoucher, la femme enceinte et qui doit accoucher, des versets qui indiquent par exemple une sorte de facilité, comme certains versets où certains versets dénotent une sorte de facilité. Par exemple, il dit à titre d'exemple, le verset par exemple dans la sourate les femmes, yuridullahu bikum, ou plutôt dans un autre verset, dans une autre sourate plutôt, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, mais ne veut pas pour vous les complications, la difficulté. Donc vous avez vu dans ce verset, lorsqu'Allah dit « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ » Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. On peut réciter par exemple ce verset. Ce verset qui dénote ici la facilité. « وَيَتَحَدَّثُ عَنِ الْحَمْلِ وَالْوَضَعِ » Par exemple, dans le verset qu'on a précédemment lu plutôt, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Et tout ce que porte la femme, ou bien tout ce qu'elle va enfanter, Allah en a la connaissance. Donc c'est le verset qu'on a expliqué dans ce qui a précédé. Par exemple, le fait de réciter ce verset aussi. وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Par exemple aussi ce verset, il dit dans sourate du tremblement ou du séisme, surat al-Zalzala. فَإِنَّ هَذَا نَافِعٌ وَمُجَرَّبٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ شِفَاءٌ. Et il dit, et cela est profitable, et il dit, c'est même expérimenté par la permission d'Allah. Et il dit donc, le Coran, tout le Coran, c'est une guérison. إِذَا كَانَ الْقَارِئُ وَالْمَقْرُ عَلَيْهِ مُؤْمِنًا بِأَثَرِ وتأثيري فإنه لابد أن يكون له أثر لأن الله سبحانه وتعالى يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهذه الآية عامة شفاء وهذه الآية عامة شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأعراض أو أمراض الشهوات. إذن هذه الآية تشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وكذلك تشمل شفاء الأجسام من أمراض المستصعبات. وتجدون هذه الفتوى نجد هذه الفتوى في فتاوى الشيخ بن عثيمين النور على الدرب. Donc regardez, le cheikh il continue la réponse à la question concernant cela. Il dit donc c'est quelque chose qui a été expérimenté, c'est profitable. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout le Coran et guérison. C'est pour ça qu'il dit avec la condition que celui qui lit, qui va réciter ces versets, par exemple, dans de l'eau, ou bien qui va réciter ces versets pour la femme qui a des complications pour l'accouchement, il dit il faut, à condition que le lecteur et la personne sur qui on lit, la personne qui va bénéficier de cette lecture-là, les deux soient croyants. Donc il faut que les deux, aussi bien le lecteur que la personne qui bénéficie de cette lecture, que les deux soient croyants concernant le profit et le bénéfice et l'influence de ces versets avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'effet de ces versets avec la permission d'Allah. فَإِنَّهُ لَبُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ Parce qu'il dit, cette lecture du Coran, la lecture de ces versets, c'est quelque chose d'impératif, c'est-à-dire que qu'il y ait un effet, c'est quelque chose qui l'aboud, c'est quelque chose qui est clair, il dit, et c'est quelque chose d'impératif. Ou bien quelque chose d'incontournable, si vous voulez. Donc, l'effet de ces versets, c'est quelque chose d'incontournable. Pourquoi? Parce que Allah Jalla wa'ala, dans un verset, nous dit, وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Parce qu'Allah, dans un verset, nous dit, et Allah fait descendre du Coran ce qui est guérison, et aussi c'est une miséricorde pour les croyants. Vous avez vu dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous dit que dans le Coran, donc, il y a une guérison. C'est pour cela que la récitation des versets du Coran, c'est une guérison pour ceux qui croient en l'effet et en l'influence de ces versets avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Coran, il y a une guérison pour les poitrines, pour les corps. Et Allah Jalla wa'ala nous dit aussi, wa rahmatun lil mu'minin, et c'est aussi une miséricorde pour les croyants. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Par contre, pour les injustes, cela est une perte, hein. Ils perdent quelque chose d'immense. Et donc, on voit que c'est une guérison et une miséricorde, Allah Jalla wa'ala dit, pour les croyants, pour les croyants. C'est pour ça que Cheikh a bien insisté au niveau de la croyance concernant le lecteur et concernant la personne à qui on va lire, c'est-à-dire celle qui va bénéficier de cette lecture pour qu'il y ait un profit. Et ensuite, Cheikh, il termine sa fatwa, la réponse à la question, en disant « وَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ » Et ce verset plutôt a une portée générale et globale. Vous avez vu, la portée, elle est générale. C'est-à-dire, il veut dire que cette guérison qui est stipulée dans le verset, c'est une guérison qui est générale. Elle englobe aussi bien la guérison des cœurs comme la guérison des corps. Et faites bien la distinction entre les cœurs et les corps. Qu'est-ce que veut dire le cheikh ici lorsqu'il parle de guérison des cœurs? Alors il dit, c'est une guérison pour les maladies qui touchent le cœur. Comme il dit par exemple concernant les maladies liées aux ambiguïtés, ou bien la maladie du désir, des tentations, des plaisirs, le fait que la personne va succomber à ses passions, à ses plaisirs, à ses désirs. Alors il dit que ces maladies liées aux ambiguïtés, et ces maladies liées au désir et aux tentations, c'est des maladies qui touchent les cœurs. Et le Coran est une guérison pour ces maladies-là. À savoir, vous avez vu dans cette vie d'ici-bas, l'individu est exposé à ces deux formes de fléau, à ces deux maladies-là, qui sont la maladie de l'ambiguïté et la maladie des plaisirs et des désirs. C'est-à-dire, l'ambiguïté, c'est quoi? C'est le fait de tomber dans des fausses croyances, le fait de croire aux fausses croyances, le fait de succomber à des ambiguïtés qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam et de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque jour, lui, le croyant, il est exposé à des ambiguïtés. Et Shaitan, son but, c'est de dévier, de faire dévier le croyant du droit chemin. Et cela peut se faire avec le fait de le faire tomber et succomber dans des ambiguïtés. C'est pour ça que le croyant doit se défendre, se prémunir, se protéger de toute forme d'ambiguïté. Et cela se fait parmi les causes pour se guérir de ces ambiguïtés, pour se préserver aussi, pour ce qu'on appelle al-wiqaya, la protection de ces ambiguïtés-là, cela se fait avec la science, avec le savoir. Avec la science et le savoir, le fait d'apprendre et de comprendre sa religion, alors on peut distinguer entre une ambiguïté, des ambiguïtés, et le vrai aussi. Donc vous avez vu, le croyant, il doit distinguer entre ce qui est une ambiguïté, entre le faux et le vrai. À savoir qu'une ambiguïté, c'est quelque chose à la base qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas le vrai. C'est quelque chose qui a une ressemblance avec la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Et c'est pour cela qu'il n'est pas. Il n'est pas aisé, ce n'est pas aisé, et ce n'est pas facile pour tout le monde de reconnaître une ambiguïté. Donc pour reconnaître une ambiguïté, il faut avoir la connaissance, il faut avoir du savoir, il faut avoir un minimum de science pour reconnaître une ambiguïté. Donc celui qui a un minimum de connaissances, qui connaît son créateur, qui connaît sa religion, qui connaît le messager d'Allah, qui a une connaissance en cette religion, il peut distinguer entre le vrai et le faux. Donc il peut distinguer très aisément lorsque lui est exposé une ambiguïté. Et c'est pour cela que dans le Coran, il y a une protection. Le fait d'apprendre le Coran, le fait de lire, de méditer les versets, il y a une protection contre toute forme d'ambiguïté. Les ambiguïtés qui touchent les cœurs des croyants. Beaucoup de gens ont sombré dans le faux, ont cru en certaines ambiguïtés en pensant qu'ils sont dans la vérité, en pensant qu'ils sont dans la vérité. Et ça, c'est très important à le savoir. On a aussi Amrad al-Shahawat, on a aussi le fléau des passions, des désirs, des tentations. Ça, c'est al-Shahawat lorsque la personne, eh ben, il est exposé, il est face à un péché, alors il va succomber au péché, du fait que il va succomber à ce désir, à sa passion. Et lorsqu'il fera devancer sa passion et son désir, alors il va succomber au péché, il va tomber dans le péché. C'est pour ça que dans le Coran, il y a une guérison des cœurs. Et lorsqu'on parle de guérison des cœurs, donc le fait de se guérir de toute forme d'ambiguïté et toute forme de désir passionnel, si vous voulez. Et donc ce qu'on appelle en arabe amrad ash-shubuhat ou amrad ash-shahawat. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir que l'individu dans cette vie d'ici-bas, il est constamment exposé. Il est constamment exposé au shahawat ou bien au shubuhat. Et ça, c'est deux grandes tentations, deux grandes fitnas qu'utilise Shaitan, Iblis, le Satan, pour égarer les individus. Lorsque l'individu est face au shahawat et lorsque il est face aussi aux shubuhat, aux ambiguïtés, ou bien aux passions et aux désirs. Et à ce moment-là, c'est pour cela qu'il faut trouver une protection. Vous avez dans le livre de notre Seigneur, dans le Coran, vous avez une protection et une guérison. Donc il y a une guérison pour les cœurs. Vous avez vu, par exemple, vous pouvez chercher aussi protection dans la prière. Le prophète sallam nous dit dans un hadith, ou plutôt c'est même dit, c'est dit dans un verset du Coran, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Certes, la prière, eh ben, préserve toute voie menant à la turpitude et au mal. Donc, vous avez vu, à travers l'accomplissement de la prière, dans la prière, on a une protection, il y a une barrière. Il y a une barrière contre tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle al-farsha, toute forme de turpitude, toute forme de al-munkarat, toute forme de mal. Vous avez en la prière une sorte de barrière, une sorte de protection pour se préserver de cela. C'est pour ça, pour savoir lorsqu'une prière elle est bien accomplie et que cette prière est valide, est valable, eh ben, il faut que cette prière, en principe, la prière du musulman, la prière du croyant, elle va le préserver des péchés, elle va préserver du mal, elle va le préserver des turpitudes. Lorsque vous avez prié, vous avez accompli votre prière et vous sentez eh ben, préservé et que votre prière vous préserve de ces maux, de toute forme de turpitude, de mal, ce qu'on appelle le munkarat, eh ben, c'est que c'est une bonne prière. Parce que la prière, tenha anil farsha ou al munkar. Vous avez vu que cette connaissance nous aide à pouvoir avancer, à évoluer. Vous avez vu cette prière, par exemple, lorsqu'on sait cela, donc cette prière, as-salat, tenha, elle empêche. Elle empêche de commettre les turpitudes et les choses qui sont mauvaises. Et aussi, donc on revient à notre sujet, au sujet de la guérison des versets, et Cheikh nous dit aussi bien donc la lecture des versets du Coran, et dans le Coran il y a une guérison, donc dans le Coran Allah Jalla fait descendre ce livre, et il y a une guérison dans ce livre, et c'est une miséricorde pour les croyants, aussi bien c'est une guérison, il y a guérison pour les fléaux qui touchent les cœurs, les cœurs, et aussi bien pour les maladies, les maux qui peuvent toucher les corps aussi, les maladies du corps. Donc vous avez vu, c'est pour cela que la lecture du Coran et la lecture des versets du Coran est très bénéfique pour se soigner, lorsqu'on veut se soigner aussi bien des maladies du cœur, comme aussi bien des maladies qui sont plus corporelles. Ensuite, l'imam al-Bukhari, donc là on a fini l'étude des versets que l'imam al-Bukhari avait mentionné en guise d'intitulé de ces chapitres. Ensuite, l'imam al-Bukhari a dit, waqala Yahya, c'est-à-dire Yahya, huwa al-Farra, qala al-Zahiru ala kulli shay ilma, wal-Batinu ala kulli shay'in ilma, ilma. Et ensuite, l'imam al-Bukhari va continuer après avoir mentionner ces versets. Il va continuer, Inch'Allah, il va nous mentionner hein, une parole d'un illustre et grand imam de la nation. Parce que vous pouvez remarquer que l'imam al-Bukhari, ensuite, après avoir évoqué les versets, ensuite il commence à dire Waqala Yahya, Waqala Yahya. Mais il va pas ici stipuler, il va pas détailler, préciser qui est Yahya. Et il dit tout simplement, il se contente, l'imam al-Bukhari, de dire وَقَالَ يَحْيَا وَالظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Il va dire cela. À savoir que Yahya, que sous-entend l'imam al-Bukhari, il veut sous-entendre celui qui s'appelait Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad. Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad, il s'appelait comme cela. Et c'était Al-Kufi Al-Nahwi. Donc c'était un illustre et grand linguiste, parmi les grands de cette nation, de la communauté musulmane. Il était connu pour sa profonde connaissance de la langue arabe, des sciences de la langue, de la linguistique. C'est un grand grammairien. Et lui, il était Sahib al-Kisa'i. Et c'était le compagnon, c'était l'ami de al-Kisa'i, du célèbre al-Kisa'i. Et Al-Kisa'i, par exemple, lui, il était connu, il était parmi les notables qui sont morts justement pendant le Khilafa, pendant le règne de Rachid. On avait déjà parlé de Rachid ici, c'était pendant la dynastie abbasside. Donc on est en ère abbasside, ce qu'on appelle Dawlatul Abbasiyya. Donc on est pendant l'empire abbasside et surtout pendant le règne de Rachid. Et lui, Al-Kisa'i, qui était le compagnon de Yahya, justement Abu Zakari, Yahya ibn Ziyad, Al-Kufi, lui justement Al-Kisa'i, eh ben, a vécu à cette époque-là. A vécu à cette époque-là et il est mort. Il est mort justement pendant le règne de Rachid et son fils Al-Amin. Al-Amin. Et donc on avait dit qu'Al-Kisa'i faisait partie des grands grammairiens. Donc c'était un grammairien et un linguiste. Et c'était un des grands lecteurs aussi du Coran. Un des grands lecteurs du Coran, l'une des plus grandes références connues à Al-Kufa. Et il s'était établi ensuite à Bagdad, à l'époque, puis Bagdad, et il avait servi de précepteur au calife Ar-Rachid, ensuite à son fils Al-Amin. Et donc c'est pour ça que Al-Kisa'i est mort à cette époque. Il est dit dans sa biographie qu'il est mort à l'âge de 70 ans. Et le jour de sa mort, justement, il était en compagnie de Rachid. Et donc, Al-Kisa'i, cette grande référence, hein, qui faisait partie des grands grammairiens et des grands linguistes, eh ben, c'était le compagnon de Yahya Abu Zakariya Al-Farra, qui était célèbre. Et lui, Yahya, dont fait référence ici l'imam Al-Bukhari, Abu Zakariya Ibn Ziyad, eh ben, lui est décédé en 204, en 204 de l'Hégire. Il est décédé en 204 de l'Hégire. Donc vous avez vu, il est décédé au début du 3e siècle de l'Hégire. Et alors qu'il est né à la moitié du 2e siècle. Il est dit qu'il est né dans sa biographie en 144. Il est né en 144 de l'Hégire. Donc il était originaire de Al-Kufa. C'est cette contrée célèbre hein, d'Irak. Et donc il est mort, comme on l'a stipulé, en 204 de l'Hégire. Il est mort à l'âge de 63 ans. Il est mort à l'âge de 63 ans. Et ceux qui veulent plus de détails dans sa biographie, vous pouvez vous référer au livre Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi, où il y a des détails sur la biographie. Donc, Yahya, Abu Zakariya ibn Ziyad ibn Abdillah al-Asadi, Mawlahum al-Kufi al-Nahwi, Sahib al-Kisa'i, lui va dire, et l'imam Bukhari va faire référence de cette parole, Al-Zahiru ala kulli shay'in ilma, wal-Batinu ala kulli shay'in ilma. C'est pour cela que, avant de commencer dans l'explication de la parole de Yahya al-Farra, vous avez vu dans cette mention de ces versets qu'a cité l'imam al-Bukhari ici, au début du chapitre, vous avez vu qu'on a appris beaucoup de choses. C'est des notions très très importantes concernant la science et le savoir de l'inconnu et que cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, pour comprendre bien le message de l'islam, le message de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, donc le musulman, il y a des choses qui sont des impératifs, des choses dont il doit avoir la connaissance. C'est pour ça que la fois dernière, dans la dernière allocution, on avait fait un rappel sur le fait que, vous avez vu, l'islam est venu pour libérer l'islam. Celui qui a vraiment une connaissance du message de notre prophète, alayhi salatu wassalam, il voit que dans la connaissance de l'islam, il y a une libération. Lorsqu'est venu l'islam, pour les gens, c'était une libération. Une libération de toute forme de servitude, toute forme d'esclavage, toute forme de soumission à autre que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc en cela, il y avait vraiment une libération des êtres, et le fait de s'en remettre à un Seigneur unique et de chercher protection auprès d'un Seigneur unique, celui qui est le véritable allié des croyants, celui qui peut véritablement soutenir, appuyer, secourir les croyants, eh bien en cela, il y a une libération. Mais pour mieux comprendre cela, il faut comprendre, pour bien comprendre, si vous voulez, le message de l'islam, il faut beaucoup revenir à la lecture de livres qui mentionnent la situation à l'époque des Arabes. La situation des Arabes à l'avènement de l'islam, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il faut comprendre ici la situation des gens qui vivaient dans la péninsule arabique et d'une manière plus générale la situation du monde à cette époque. On a dit que le contexte justement de l'époque est très important, de connaître le contexte de l'époque pour bien comprendre le message de l'islam et de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Par exemple, hier on a fait un rappel sur l'astrologie. On a fait un rappel sur l'astrologie, à savoir que la science de l'astrologie, c'est-à-dire on avait dit que l'astrologie, elle était définie par beaucoup comme une pratique qui était censée fournir des renseignements sur les phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes, en l'occurrence l'observation des astres. Et ensuite, on avait dit que les gens, après cette observation, plus tard, ont émis des croyances en pensant que justement, eh ben, les astres avait une influence sur les événements et sur les phénomènes terrestres. C'est-à-dire que cela avait une influence sur ces faits, sur ces phénomènes qui se produisent sur Terre, ce qu'on appelle les phénomènes terrestres. Comme par exemple le changement des saisons ou autres. Donc pour eux, le mouvement des astres avait une influence sur cela. Donc ensuite, ça s'est répandu, c'est quelque chose qui est devenu quasiment mondial, ça s'est répandu dans de nombreuses contrées. On avait dit que ça, c'est vraiment ancien. Certains historiens spécialistes disent que ça date voire de 3000, voire 2000 ans, avant même le début du calendrier chrétien, avant même l'arrivée de Isa alayhi salam. Et ça s'est vraiment propagé, que ce soit en Mésopotamie à l'époque, cette astrologie-là, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grèce. Ça s'est propagé après, même plus tard, chez les Romains. Et il est même dit que les Romains, c'est les Grecs qui ont apporté ça aux Romains, puisque les Grecs, à l'époque, hein, on a dit là, on est dans... C'était dans... Donc vous avez vu, ça remonte. L'astrologie remonte à la plus haute antiquité. Et à l'époque, il y a très très longtemps, les Grecs étaient soumis aux Romains. Justement, c'était les esclaves des Romains. Il est même précisé que les Grecs ont rapporté ça, justement, aux Romains. Et c'est ça qui fut la cause de l'apparition, par exemple, de l'astrologie à Rome, par exemple. Et plus tard même, pour beaucoup de Grecs, l'astrologie, ça va être pour eux, ça va être une sorte de science mathématique. Et c'est même plus tard, des siècles après l'ère chrétienne, lorsque viendra Isa, des siècles après le message de Isa, c'est-à-dire après l'ère chrétienne, que certains vont même considérer cela comme une religion. Vont même considérer cela comme une religion. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que même le christianisme a été éprouvé par cela. Et au départ, le jugement dans le christianisme de l'astrologie, au départ, ils vont rejeter cela. Et même eux vont reconnaître, dans le christianisme, ils vont reconnaître que c'était un art divinatoire. Pour eux, l'astrologie définissait ça comme un art divinatoire. Et en disant que c'était pour eux une superstition qui était païenne et dangereuse. C'était comme ça que l'astrologie, par exemple, à l'époque du christianisme, au début, c'est comme ça qu'elle était considérée. Et elle disparaîtra. Et c'est plus tard qu'avec des siècles, elle va commencer à disparaître des mœurs. Mais c'est après, il est dit, certains historiens disent après, au niveau du Moyen-Âge. Donc elle réapparaîtra. Cela en Europe, elle va réapparaître, et cela au Moyen-Âge. Donc certains historiens disent qu'au Moyen-Âge, elle va réapparaître, et il est même dit que c'est un homme, justement. C'est un homme qui plus tard va l'introduire, et cela de façon définitive. Donc il va introduire l'astrologie dans la pensée chrétienne. C'est pour ça que plus tard, cette astrologie-là, elle va pénétrer dans la pensée chrétienne. Et certains disent que c'est un homme qui s'appelait Thomas d'Aquin, c'est-à-dire il était nommé le Saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui plus tard va l'introduire, et cela, il est dit d'une manière définitive dans la pensée chrétienne. Et même plus tard, les médecins, ils soignaient même les malades avec justement les principes de l'astrologie. Et même ces médecins, plus tard, ils vont être titrés en tant que médecin astrologue. Donc, ils auront des titres par les cours de médecin astrologue. Et c'est plus tard, pendant la période de la Renaissance, que les astrologues, ils intervenaient même au niveau de la politique. Même dans la politique, leur parole était prise en considération et ils intervenaient au niveau politique. Et il est même dit, par exemple, qu'en Angleterre, à l'époque, ils étaient considérés comme des ambassadeurs. Ils avaient le statut d'ambassadeur. Et ils avaient même la permission d'enseigner dans les universités. C'était enseigné dans les universités. Il était même dit que parfois, lorsque dans certains pays, il fallait construire des monuments ou des grandes universités, il fallait l'avis des astrologues. Et plus tard, cette astrologie va connaître le déclin, et cela après des siècles, en Europe, on parle en Europe, et cela après des siècles, lorsque va venir cette période qu'ils ont appelée la période des Lumières. Justement, c'est la période où il est dit que les académiciens, ils déclaraient que la divination astrologique, comme ils le disaient, ils appelaient ça là la divination astrologique, elle débouchait sur une illusion pure. Donc ça, c'était après les déclarations, c'était les témoignages des académiciens à l'époque des siècles des Lumières, comme vous pouvez retrouver dans certains livres. Et justement, eux, ils déclaraient que la divination astrologique, ils l'appelaient comme ça, la divination astrologique, ils considéraient qu'elle débouchait sur une illusion pure. Donc c'était de l'illusion. Pourquoi je vous stipule cela? Ça, on a dit que ça, c'est le contexte mondial. On l'a fait très très bref et très rapide, c'est le contexte mondial. Maintenant, d'une manière plus précise et particulière, le contexte dans la péninsule arabique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans la péninsule arabique, est naquit dans la péninsule arabique, il a grandi dans la péninsule arabique, plus précisément à la Mecque. Quel était le contexte de la Mecque? Pourquoi? Par exemple, on a parlé de l'astrologie, en l'occurrence on en a parlé hier, parce que même les Arabes dans la péninsule arabique n'ont pas été à l'abri de cela. Ça s'est vraiment répandu, et les gens ont cru en l'influence des astres par rapport aux événements et aux phénomènes terrestres, que ces astres avaient une influence. On cru cela pendant des siècles et des siècles, et ça a même duré des millénaires, comme il est dit par certains spécialistes. Et même les Arabes n'ont pas été épargnés de cela. C'est pour ça que vous allez voir que, pour comprendre le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cette libération qu'il y a eu avec l'avènement de l'islam, il faut comprendre le contexte historique lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé son appel dans la péninsule arabique. Sachez que les Arabes à l'époque, était vraiment plongé dans l'obscurantisme. Les Arabes croyaient en toute forme de superstition. Ils étaient l'esclave d'idoles. C'était des esclaves de traditions ancestrales. Ils croyaient en superstition. Et de nombreuses pratiques, justement, ont été abolies avec l'islam. Et ça a libéré vraiment les gens dans la péninsule arabique, ensuite de manière universelle. Par exemple, les Arabes, à l'époque, dans la péninsule arabique, et plus particulièrement à la Mecque, ils croyaient en ce qu'on appelle les devins, et ils vivaient, et ça faisait partie de leur vie, ça faisait partie de leur quotidien, leur société était régie sur ça. Donc les Kahana, les devins, les voyants avaient une grande place dans la société. Et ils vivaient, les Arabes à l'époque, vivaient avec cela. C'est pour cela que beaucoup de choses qui étaient liées à leur vie, ils ne prenaient pas de décision sans revenir justement au jugement des sorciers, au jugement des ce qu'ils appelaient Al-Kahana, ce qu'ils appelaient Al-Arrafin, eh ben, leur jugement était pris en considération. Il y avait aussi Al-Munajimoun, justement ceux qui utilisaient la croyance qu'ils utilisaient justement les étoiles et les planètes et les astres ici pour émettre des calculs, pour savoir des choses, pour connaître ce qui va se passer dans le monde, dans l'avenir, etc. Donc ça, les Arabes étaient plongés dans cela et ça faisait partie de leurs croyances et de leur quotidien. De même que, par exemple, il y avait beaucoup ce qu'on appelle tout ce qui était lié au hasard. C'était propagé dans la société chez les Arabes à l'époque, dans la péninsule arabique. Ils avaient beaucoup de pratiques liées au hasard. Par exemple, ce qu'on appelle l'azlam, lorsqu'Allah, Jalla, vous voyez qu'il y a des versets, par exemple, dans Sourate Al-Maïda, lorsqu'Allah interdit l'azlam. Qu'est-ce qu'était l'azlam à l'époque chez les Arabes à l'époque, surtout à la Mecque et dans toute la péninsule? L'azlam, par exemple, c'était lorsque les gens doutaient de la généalogie de quelqu'un. Alors, il l'amenait à la grande divinité qu'ils avaient, qui s'appelait Hubal. On a dit l'une des premières, la première divinité et idole qui était instaurée et installée à la Mecque, c'était Hubal. Donc, c'est la première divinité qui avait été adorée à la Mecque. Donc, lorsqu'ils avaient un doute sur la généalogie de quelqu'un, par exemple, ils l'emmenaient à cette statue, à cette idole qui était Hubal. Et ensuite, ils consultaient ce qu'ils appelaient Al-Azlam. Al-Azlam. Al-Azlam, c'était une sorte de baguette avec des mentions. Et dans cette baguette, ensuite, ces baguettes-là, lorsqu'il y avait des mentions, par exemple, minkum, de vous, alors lorsqu'il doutait de la généalogie de quelqu'un, il l'emmenait devant la divinité et sortait les baguettes. Et s'il y avait des mentions, s'il y avait la mention minkum, cela signifiait que l'homme était des leurs. Et si, par exemple, il y avait la mention mulsaq, ça voulait dire qu'il faisait partie de leurs alliés. Et si il y avait écrit, il y avait la mention min ghayrikum, puisque c'était sur ces baguettes, et ensuite ils faisaient une sorte de tirage au sort au hasard. Et si c'était soit minkum qui sortait, ou bien mulsaq, ou bien il y avait inscrit min ghayrikum, donc ça voulait dire que l'homme n'était pas des leurs. Et donc cette personne n'avait aucune généalogie ni postérité. Alors, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup de discrimination. Par exemple, les esclaves, les hommes étaient vendus, les esclaves étaient maltraités, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient vendus, ils n'avaient plus ce statut d'humain, ils vivaient vraiment une discrimination à l'époque dans la péninsule arabique qui était atroce. Et c'est pour ça que l'islam est venu libérer, justement. Pourquoi? Parce qu'avec le message de l'islam, Allah Jalla recommande aux croyants d'affranchir et de libérer, justement, les esclaves, de redonner la liberté aux esclaves. Et ça, c'est quelque chose que le prophète, alayhi salatu wassalam, eh ben, a combattu, le fait de redonner la liberté aux gens. Donc, les gens à l'époque du paganisme, à l'époque, donc on a dit, hein, les Arabes étaient vraiment, vraiment plongés dans ces superstitions. Comme on a dit précédemment, par exemple, l'azlam qui ont été interdits dans le Coran, et cette sorte de baguette, eh ben, parfois, lorsqu'ils voulaient, par exemple, faire un voyage, ou ils voulaient se marier, ou autre chose parmi certains projets qu'ils avaient, toujours ils revenaient à ces azlam. Donc, il prenait ses baguettes. Il y avait parfois la mention. Alors, il mentionnait oui, non ou bien neutre. Donc, il prenait ses trois baguettes, l'azlam. Et si c'était la baguette qui était tirée, c'était celle qui avait la mention oui, alors il faisait. Alors, ils allaient accomplir leur entreprise, hein, leur projet. S'il y avait écrit non, alors ils s'abstenaient. Si il y avait écrit neutre, alors ils reportaient, et comme cela était leur croyance. Et ils avaient de nombreuses croyances qui allaient à l'encontre, justement. Ces nombreuses croyances, elles allaient à l'encontre des libertés individuelles, par exemple. Et parmi ce qu'on retrouve à l'époque chez les Arabes, par exemple, ils s'attachaient beaucoup à des choses qui étaient dues aux superstitions, mais aussi ils s'attachaient beaucoup à leurs idoles qu'ils adoraient. Donc ils s'attachaient à elles, ils y recouraient, ils les interpellaient, ils cherchaient leur protection dans les moments les plus difficiles. Ils cherchaient la protection près de ces idoles, ils les invoquaient, que ce soit pour leurs besoins. Ils pensaient qu'ils avaient un pouvoir d'intercession auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a dit qu'à l'époque, les polythéistes arabes croyaient en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ils pensaient que ces idoles, ils avaient un pouvoir d'intercession auprès du Seigneur. Ils croyaient aussi qu'elles pouvaient leur faire obtenir ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que à chaque fois qu'ils voulaient obtenir une chose, un bienfait de cette vie, ils pensaient que ces idoles, ces statues pouvaient leur faire obtenir ce qu'ils voulaient. Donc ils avaient une profonde attache à ces statues, et ils en étaient vraiment esclaves. Ils étaient vraiment esclaves de ces statues. Par exemple, ils faisaient même un pèlerinage pour elles. Donc parfois, ils faisaient même un tawaf, ce qu'on appelle la circumambulation autour de la Kaaba. Eux, ils faisaient aussi autour de leurs idoles et de leurs statues. Et ils s'humiliaient vraiment. Comment c'est? Lorsque vous lisez les paroles de certains historiens qui relatent cette période, la période de la situation des Arabes dans la péninsule arabique, vous voyez vraiment qu'ils étaient humiliés auprès de ces idoles, face à ces idoles. Et il est même mentionné qu'ils se prosternaient, ils se prosternaient pour ces idoles. Parmi les choses qu'ils faisaient, ils faisaient diverses offrandes, ils immolaient, ils égorgeaient des bêtes pour elles. Aussi bien ils égorgeaient pour elles, mais aussi bien aussi ils égorgeaient en leur nom. C'est pour ça que dans le Coran, il est dit « Wa ma dhubiha 'ala an-nusub » Et Allah Jalla wa'ala a interdit aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées. Une traduction relative au sens du verset. C'est-à-dire qu'ils immolaient aussi pour ces idoles, pour ces statues-là, ils faisaient des offrandes. Et les gens aussi, à cette époque-là, pour se rapprocher de ces idoles, alors ils réservaient, selon leur appréciation, une partie même de leur nourriture. Même leur nourriture, ils laissaient une partie de leur nourriture pour ces idoles. De même, ils leur consacraient même, encore pire encore, ils leur consacraient une partie de leur récolte et de leur bétail. Donc c'est pour ça qu'il y avait une partie des récoltes, à l'époque les Arabes, ils avaient une partie des récoltes et une partie de leur bétail qui était consacrée aux idoles. Alors que, comme on l'a dit précédemment, ces idoles-là qu'il y avait à la Mecque, c'était des statues. Beaucoup de statues qui étaient faites de pierre. Et en réalité, en aucun cas, elle pouvait accorder profit ou nuisance, elle ne pouvait en aucun cas nuire. Et ben, ces statues faites de pierre, qui ne pouvaient ni parler, ni se défendre elles-mêmes, ni accorder profit, et ben, regardez, à l'époque, les gens leur accordaient une partie de récolte et de leur bétail. Et ce qui est même curieux, c'est qu'ils réservaient même une partie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y avait une partie qui était réservée pour Allah, qui donnait en offrande pour Allah, et une partie aussi qu'ils réservaient pour les idoles. Donc une grande partie de leur récolte et de leur bétail, et bien ensuite c'était pour les idoles, donc ils en offraient, etc. Par contre, parfois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et c'est ça qui était très curieux, une partie de leur récolte et du bétail qui était réservée pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et bien parfois il prenait de cette partie-là et il la réservait, la donnait, il l'offrait aux idoles. Aux idoles. Par contre, jamais il n'offrait à Allah ce qui était pour les idoles. Donc vraiment, vous avez vu, ils étaient vraiment esclaves et sous la servitude de ces idoles. Donc il y a beaucoup de versets dans le Coran, si on observe, qui nous parlent de ça, leur soumission et leur servitude envers les idoles. Ils avaient une autre manière aussi, une autre manière de se rapprocher de leurs idoles, c'était le fait qu'ils considéraient parfois certaines récoltes, ils les considéraient comme tabous. Certaines récoltes dues, ou bien certains bestiaux aussi, il ne fallait pas les offrir à leurs idoles. Il ne fallait pas les offrir à leurs idoles lorsqu'il y avait des défauts ou autres. Donc ils avaient beaucoup, beaucoup de pratiques qui étaient vraiment très, très, très curieuse. Et il y a même une pratique qu'Allah Jalla nomme dans le Coran comme étant El-Bahira, Sa'iba, Al-wasila, al-ham, ça, c'est ces quatre pratiques qui sont mentionnées dans le Coran. Lorsqu'Allah Jalla fait allusion à ces pratiques-là en disant Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Donc Allah Jalla wa'ala, regardez, dans le verset, il dit Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Allah, dans le verset de traduction relative, il dit, Allah n'a pas institué ni al-bahira, ni al-sa'iba, ni al-wasila, ni al-ham. Allah n'a pas institué cette chose. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Qu'est-ce qu'était, pour qu'on se quitte sur cela très rapidement, qu'est-ce qu'était al-bahira, al-sa'iba, al-wasila, al-ham à l'époque? C'est les polythéistes arabes qui avaient instauré cela. Eh bien, ce qu'on appelle Al-Bahira, par exemple, ce qu'il faut savoir, comme dit Ibn Ishaq, c'était un spécialiste hein, dans ce domaine, Ibn Ishaq, il disait qu'Al-Bahira, c'était la petite Sa'iba. Qu'est-ce que c'était cela? Il disait c'était la chamelle. C'était une chamelle qui avait produit, par exemple, 10 femelles successives. La chamelle qui, pour eux, avait produit 10 femelles successives, elle était libérée. De telle sorte que personne ne pouvait l'enfourcher et même tondre ses poils ou même boire de son lait. Exception faite pour les invités. Donc seuls les invités pouvaient profiter du lait ou autre. Si après cela, elle produisait une autre femelle, alors à celle-là, on la laissait suivre sa mère. Donc cette autre femelle ensuite, elle pouvait suivre sa mère et elle aussi, personne n'avait le droit de l'enfourcher. Et non plus, ils n'avaient pas le droit de boire de son lait si ce n'était pour les invités. Et de même, ensuite, Al-Bahira, donc, c'était une chamelle aussi. Et la petite, donc, c'était Sa'iba. Donc, il y avait une chamelle, Al-Bahira, petite de la Sa'iba. Donc, Al-Bahira, c'était la petite chamelle de Sa'iba. Wal-Wasila, c'était une brebis qui avait mis au monde 10 jumeaux. 10 jumeaux qui étaient femelles, et cela en 5 grossesses, en 5 grossesses successives. Alors les autres petits qu'elle allait mettre au monde, une telle brebis, par exemple, cette brebis, si elle allait mettre au monde ensuite d'autres petits, elle était pour les hommes, à l'exclusion de toute femme. Donc les hommes pouvaient en profiter de cette brebis, à l'exclusion de toute femme. Les femmes n'avaient pas le droit. Donc regardez, ça faisait partie de leur croyance. Toutefois, si elle mourait ensuite, les hommes comme les femmes avaient le droit d'en manger. Par contre, si cette brebis ensuite elle mourait, les femmes et les hommes avaient le droit d'en manger. Mais de son vivant, par exemple, les femmes ne pouvaient pas profiter de son lait. C'est exclusif aux hommes. Al-Ham, ce qui ensuite leur pratique était nommée Al-Ham, comme elle est mentionnée dans le Coran, ça c'était les talons qui, ayant été pères de 10 femelles successives, hein, il faut que ça soit successive, se voient marqués au dos par une brûlure. Donc ils vont mettre une marque au dos. Une sorte de brûlure, et personne ne pouvait l'enfourcher, ni la tondre, ou ni le tondre plutôt, et on le laissait parmi les chameaux. Et cela, c'était pourquoi ils faisaient ça? C'était à des fins de croisement. Et en cela, il n'y avait aucune utilité de faire cela. Ça faisait partie de leurs croyances. Donc vous avez vu, ils avaient des croyances qui étaient diverses. Par exemple, parmi les pratiques des Arabes à l'époque, qui faisait partie de leur obscurantisme, le fait qu'ils tuaient les enfants en bas âge. Par exemple, ils enterraient les filles vivantes. Donc parfois, ils enterraient leurs filles vivantes. Le fait que parfois, eh ben, ils tuaient les enfants par peur de ce qu'on appelle al-imlaq. Al-imlaq, c'était lorsqu'ils avaient peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, donc ils tuaient l'enfant. Les filles, c'était connu qu'ils les enterraient vivantes, ça faisait partie de leur pratique. Donc, ils avaient beaucoup, beaucoup de croyances. Et l'islam est venu justement pour libérer les hommes. Donc, dans la péninsule arabique, ensuite, les hommes ont été libérés de cette servitude. Et c'est pour ça qu'ensuite, le prophète sallam avait interdit ce qu'il faisait par rapport aux petites filles, le fait qu'il les enterrait vivantes. Le prophète exhortait à franchir les esclaves. Il y avait, comme on a dit précédemment, il y avait une sorte de discrimination, ceux pour eux qui n'avaient pas une bonne lignée, leur généalogie, ça n'était pas noble, donc ils n'étaient pas considérés. Donc il y avait une grande discrimination par rapport aux couleurs. Et l'islam, lorsqu'il est venu, eh ben, a donné a fait devancer et prévaloir le côté, comme on a dit, des bonnes moralités. C'est-à-dire que celui qui était pris en considération et qui était plus valorisé, c'était celui qui avait la piété, comme Allah Jalla wa Ala dit, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Donc ensuite, c'était les valeurs morales qui étaient prises en considération avec l'islam. Sinon, à l'époque des Arabes, dans la péninsule arabique, avant l'avènement de l'islam, ce qui était pris en considération, c'était la généalogie, c'était la noblesse de la personne. Et les gens, donc, étaient discriminés. Donc, il y avait de la discrimination raciale au niveau des couleurs et autres. Donc, il y avait cet esclavage. Et regardez le message de l'islam lorsque le prophète sallam est venu. Eh ben, tout le monde était égaux. Tout le monde était égaux. Donc, on n'a pas attendu le 21e siècle pour donner l'égalité à tous les hommes. Mais à l'époque, le prophète sallam, donc, eh ben, est venu avec cette liberté, est venu avec la justice et l'équité. Donc, tous les hommes étaient égaux. Et ce qui donnait de la valeur aux hommes, c'était leur piété. Ils n'étaient pas jugés selon leur généalogie, selon leur rang dans la société, selon leur noblesse. Tout cela était aboli. Le prophète a libéré avec ce message les esclaves, puisque le prophète appelait à l'affranchissement des esclaves. Il a libéré les hommes de la servitude et de l'esclavage d'idoles. D'idoles, c'était de statues de pierre qui ne servaient à rien en réalité. Le prophète les a libérés de cela. Le prophète les a libérés de l'oppression des sorciers, des charlatans, des devins, des voyants, de ces superstitions. Les Arabes, à l'époque, il est dit qu'ils sortaient le matin selon la trajectoire des oiseaux. Alors, s'ils allaient dans une telle direction, alors ils entreprenaient leur projet. S'ils allaient dans une autre direction, une direction qui pour eux était mauvaise augure, alors ils accomplissaient pas leur projet. Donc ils croyaient aussi aux mauvais augures. Pour eux, ils croyaient aux mauvais présages. Et par exemple, certains animaux pour eux étaient mauvais présages. Donc selon la trajectoire des oiseaux, par exemple, comme on a dit précédemment, eh ben il y avait une direction qui pour eux était mauvais présage. Donc ils croyaient en tout cela. Toute forme de superstition, ils y croyaient. Et donc les gens étaient vraiment sous la servitude, esclaves de ces superstitions, esclaves de leurs idoles. Regardez, à l'époque, parfois, ils prenaient même certains arbres, ou certains rochers, certaines pierres, en les craignant, en essayant de chercher la bénédiction auprès de ces arbres, auprès de ces pierres, auprès de ces endroits. Donc c'était des convictions et des pratiques qui n'avaient aucun sens. Et le prophète, sans même, est venu libérer les gens. Donc vous avez vu, l'islam en réalité était une libération. J'ai insisté sur ce point-là, pourquoi? Parce que beaucoup, beaucoup de gens de notre communauté, beaucoup de musulmans, ignorent en partie vraiment les détails de tout cela. Et ça, c'est très important. Le fait de connaître les détails, et moi j'ai vraiment, vraiment résumé, on pourrait dans une autre allocution vraiment détailler toutes ces croyances que les Arabes avaient, et toutes ces croyances dont les hommes ont été libérés. Ont été libérés avec la venue du prophète. Et là, on verra vraiment la miséricorde qu'il y a dans cette religion. On verra vraiment, vraiment, on se rend compte en lisant cela. Et vous pouvez retrouver ça dans les livres d'histoire, vous retrouvez ça dans les livres de biographie du prophète. Vous retrouvez ça dans les livres de tafsir, l'explication et l'exégèse du Coran. Vous regardez le contexte historique, le contexte économique, religieux, social de l'époque des Arabes, à l'avènement, à l'époque où naquit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était cette société? Et là, vous allez vous rendre compte du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez vous rendre compte aussi de l'importance du monothéisme. Donc, lorsque le prophète est venu avec le tawhid, le monothéisme, et bien, comme on a dit précédemment, et on avait même fini notre allocution la fois dernière, avec cela, ça a vraiment libéré. Ça a libéré la pensée, ça a libéré les esprits, ça a libéré les gens d'une manière générale, ça a donné l'égalité pour tous les gens. Et la discrimination a été abolie, les gens ont été tous les gens, selon leur rang social, selon leur couleur, selon leur appartenance, tous étaient égaux. Donc ils étaient tous égaux, sans discrimination. Regardez par exemple, regardez le contexte de l'époque chez les Arabes au niveau des femmes. La femme était humiliée. La femme était dans une situation à l'époque que ceux qui méditent vraiment, lorsque l'islam est venu avec le message du Coran et du prophète, la femme a été libérée justement. Elle a été libérée de l'oppression à l'époque de ces hommes, à l'époque dans la péninsule arabique. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment revenir à cette période-là, lisez le contexte de l'époque, lorsqu'est venu le prophète, sallam, dans quelle société il a évolué et dans quelle société il naquit, le prophète, sallam, et ensuite, c'est à l'âge de 40 ans que le prophète, sallam, ensuite, reçut la révélation. Et donc, il commença à prêcher. Et donc, lisez cette période-là et vous allez vous rendre compte vraiment, vraiment de la grandeur du message. Et de cet appel, on va terminer sur ça et dans la prochaine allocution, inshallah, avec l'aide d'Allah, on continuera inshallah sur l'explication de ce chapitre. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.